étudiants. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Gabriel de la succursale du Vieux-Québec vous suggère « Orange amère » de Anne Patchett chez Actes Sud. Par son style évocateur, subtil et un brin méta, l'écrivaine signe ici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. « Orange amère » m'a fait perdre quelques nuits de sommeil et je parie qu'il en sera de même pour vous. Et Joël de la succursale de Loretteville vous propose « Pas pressé » de Lily Pinsonneau aux éditions Québec-Amérique. La plume, aussi sensible que frappante de l'autrice, nous amène à ne vouloir que le meilleur pour sa protagoniste. « Pas pressé » est un livre qui réchauffe le cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. À découvrir sur la fabrique culturelle. Rentre dans ce spectacle-là, dans cet espace, on appelait ça comme un espace blanc, un genre d'instant suspendu. Blizzard, le souffle de Flip Fabrique. On avait comme envie qu'on puisse avoir une forme fermée, disons un prisme, là, tu sais, qui est vraiment, les arêtes sont très claires, puis tout ça, pour avoir un genre de blizzard à l'intérieur, que ce prisme-là puisse se déplacer. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Bonsoir, chères auditrices, bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Et ça commence maintenant sur les ondes de CKRL 89.1 avec Jean-Tienne Lafrance à l'animation qui va vous accompagner pour parler d'arts visuels, de qu'est-ce qui se passe en ville dans le milieu des arts. D'abord, on va recevoir... En entrevue, Olivier Moisan Dufour, qui est un artiste qui est à la maîtrise, qui vient de terminer sa maîtrise à l'École d'art et qui propose l'exposition Idées d'objets à la galerie des arts visuels qui se trouve dans l'édifice de la fabrique. Et c'est une exposition où on retrouve un dialogue entre des sculptures faites de bois récupéré à l'aspect très, très brut et des peintures qui sont des espèces de portraits, si on veut, de ces sculptures-là. Et les peintures sont d'une facture hyper réaliste, donc très, très soignée. J'ai bien hâte d'entendre Olivier nous parler de cette exposition. Et il y a également Myriam Leland qui va nous faire une chronique au sujet de l'exposition La vie sur le précambrien. Et quand on parle de précambrien, on parle du travail de René Derouin, donc un artiste avec une carrière très, très prolifique qui est installé dans les Laurentides et qui passe sa vie entre le Québec et le Mexique et qui joue un peu dans sa pratique artistique sur ce dialogue entre le Nord et le Sud, cette espèce d'identité des Amériques. Et c'est présenté à la galerie Michel Guimond, cette exposition-là. C'est une exposition qui va explorer plus la flore locale, donc la flore québécoise. J'en dis pas plus. On va en parler avec Myriam Leland. Et en deuxième partie d'émission, je vais prendre le temps de parler avec l'artiste Eve Cadieux, qui a déjà une carrière là qui commence à être très remplie et très longue. C'est une artiste de Québec et c'est sa toute première exposition à la Galerie A, qui est une toute nouvelle galerie. Donc, elle a commencé à être représentée par la Galerie A et elle y présente l'exposition « Empreintes et dérivés », une exposition de photographies, mais elle a fait des interventions sur ces photographies et on va avoir l'occasion d'en parler le plus en profondeur. FKD va être avec nous en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va prendre une pause musicale. Cette semaine, Simon Roy nous propose de découvrir le dernier EP du groupe électropunk montréalais Werewolves, qui est sorti en août cette année. Donc, un album en français, en espagnol. L'espagnol, c'est la langue maternelle du chanteur. Donc, préparez-vous à vous faire décaper les oreilles un peu. On va commencer avec la pièce « En la noche ». Retour à l'aérospatiale. On a en studio avec nous Olivier Moisan-Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, Olivier. Oui, c'est ça. Donc, pendant que cette pièce très rock'n'roll jouait, on discutait de ce qui se passe dans ta vie d'artiste de ce temps-là. Ça bouge beaucoup. Oui. Entre autres, tu participes à Passage Insolite, il y a cette exposition à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, également une exposition à Chicoutimi. Oui, à la Galerie de l'œuvre de l'autre. L'œuvre de l'autre à Chicoutimi, d'autres projets là, qui ont occupé ton année et d'autres projets qui s'en viennent. Mais c'est vraiment pour parler de cette exposition à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval que je t'ai invité, cette exposition « Idées d'objets ». Qui regroupe, comme je le disais, des sculptures, ou plutôt des assemblages, ou des amoncellements, si on veut, de bois récupéré. Oui? Oui, mais je t'entendais la décrire avant que j'arrive, puis je trouvais ça parfait. c'est des sculptures, des amoncellements. Oui. Des tours, des pions, je ne sais pas. Il y a quelque chose de très... Le rapport au corps est assez particulier. Déjà, on arrive dans cette galerie où il y a une forêt parsemée, mais ça remplit la galerie quand même, de ces sculptures-là. Donc, les sculptures sont à l'échelle du corps. Donc, il y en a pas ou peu qui sont plus grandes qu'un être humain. Non, c'est ça. C'est tout... assez à vue d'œil, en fait. Ouais. Et il y a quelque chose, donc... Ben, à hauteur de yeux. Oui, à la hauteur des yeux ou plus bas. Donc, parfois, on a un rapport plus anthropomorphique. Parfois, il y a un rapport qui relève plus du mobilier. Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose de très architectural aussi dans ce que tu crées. Oui, ben pour moi, c'est... Ça ressemble peut-être à un jeu d'enfant que je me suis créé où là, j'assemble les choses ensemble. C'est comme une espèce d'univers pour faire vivre des personnages imaginaires ou... Ben, je sais pas si c'est peut-être pas des personnages, mais oui, je veux donner une espèce de caractère à la sculpture, comme si ça devient comme qui a sa propre personnalité, en fait. D'y donner une âme, si je peux. Oui, mais il y a une certaine uniformité dans l'ensemble, dans le corpus, mais chaque sculpture est très, très différente au final. Oui, il y en a qui se ressemblent un petit peu quand même. Mais je voulais qu'ils soient comme toutes de la même famille, si je peux dire. Puis, ils ont toutes leur mode d'assemblage. Ben, je travaille beaucoup avec la cloueuse à air, donc ça... Déjà, ça c'est un des caractéristiques qui sont communs à toutes les sculptures qui sont là. Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec une cloueuse à air dans le résultat final, dans leur personnalité? Ça va vite. Ouais. C'est ça qui... Pour moi, c'est plaisant. Je garde ça comme un... T'sais, je fais beaucoup de choix, mais ça reste instinctif. Il n'y a pas de moment de pause, de collage ou de clouage, vissage. C'est quelque chose de très intuitif puis instantané. Donc, on n'a pas à réfléchir où est-ce qu'on pose l'objet. On met la colle, met les serres et tout. Donc, tout se fait de manière organique et rapide. Et donc, tu parles de t'as utilisé le mot intuitif. Donc, j'ai l'impression que ton processus de création est très intuitif, mais aussi assez compulsif. Oui, mais... En fait, l'exposition à la Galerie des arts visuels, c'est quelque chose qui se voulait un peu à l'image de ce que j'avais produit durant les deux dernières années à la maîtrise, où c'était quand même quelque chose de assez compulsif, effectivement, comme presque boulimique. Là. J'ai vraiment voulu profiter du 2 ans de maîtrise pour en faire le plus possible, puis de garder ça à l'essentiel aussi en même temps. Donc, il y a quelque chose qui se veut très... très simple. Oui. Puis, comme je disais tantôt, un jeu d'enfant quasiment, là, tu sais, où je me suis pas pris la tête dans les... Mais oui, c'est ça. Ça fait que c'est des œuvres qui sont quand même assez accessibles. On parlait de l'échelle. Ouais. Il y a également ce matériau. Donc, c'est du bois récupéré. Évidemment, on pense à l'aspect écologique de l'utilisation du bois récupéré. Mais au-delà de cet aspect écologique, environnemental. Qu'est-ce qui te plaît dans ce matériel-là? Il y a la couleur, en fait, l'espèce de qualité chromatique du bois noirci, tu sais, un peu les clous que je trouve souvent intéressants. Quand je les repeins après, je trouve que c'est comme un élément qui revient souvent. Les clous, tu les vois les transformer aussi. Ouais, là, les défauts du bois, mais il y a aussi l'aspect... au début, j'ai vraiment fait ça par comme nécessité d'avoir du matériel pour pas grand-chose. J'ai vu la possibilité de tout ce qui était possible de faire avec des matériaux que je trouvais dans la rue. Puis ensuite de ça, c'est comme si j'ai pris... C'est comme si j'ai développé une sorte d'amour là, pour ce matériau-là qui est vraiment constant là, dans ma pratique depuis un certain nombre d'années. Puis il y a toute une histoire, il y a plein d'usages aussi qui viennent s'ajouter à ces objets-là. Là. Ben la palette, c'est sûr qu'on voit plein de choses construites en palette, mais il y a c'est connoté matériaux de construction. Ouais. Donc, pour moi, il y a... Tu sais, la construction reste... Tu l'as noté tantôt, architecture. C'est comme une architecture, c'est une construction. Ça reste... la palette de transport sert à transporter des matériaux lourds de construction, mais moi, je le réutilise comme dans l'esprit de créer d'autres constructions avec ce matériau-là. Oui, donc ça devient une entité. Hein? On parle vraiment de... Il y a vraiment cette idée de donner une âme à chacune de ces sculptures-là. Et si on parle de... parlant d'âme, parlant de personnalité, avec les sculptures, sont présentées aussi au mur des peintures. Oui. Des peintures qui vont contraster beaucoup, beaucoup, parce que c'est comme des espèces de portraits hyper réalistes des sculptures sur un fond noir. Donc, le contraste entre le travail minutieux de la peinture puis l'aspect très, très brut des sculptures. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Le choix de faire... D'avoir cette espèce de contraste. Tu aurais pu faire des peintures où on sent très comme expressive, très expressive, avec un aspect brut qui a une espèce de cohérence, alors que là, ici, il y a un déséquilibre, une espèce une de contraste contradiction. Oui, qui s'installe. Oui, il y a une contradiction, il y a un dialogue qui se crée, mais à la base, je pense que quand j'ai voulu faire ça, c'était pour donner une histoire, d'accorder une espèce de... de créer comme une histoire à l'objet qui est, fait avec des matériaux jetés et tout ça. Donc, quelque chose qui pourrait paraître anodin pour certaines personnes, mais à un coup que j'en fais le portrait ou que, tu sais, Il y a comme une espèce de magnification aussi oui, c'est qui ça. Avec ça. Oui, effectivement. Mais pourquoi? Je pense que c'est pour combler mon désir de faire de la peinture assez techniquement intéressante, mais aussi comme qui garde une espèce de symbolique ou quelque chose d'un peu recherché dans le sujet de peinture, finalement. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc, elles sont liées, présentées en fait. Directement au sol, au mur. Oui, mais elles sont comme à un pouce, à en un fait, pouce au, du sol. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Je dois dire qu'il y a une grande partie l'exposition a été montée en collaboration avec Lisanne Nadeau. Oui. Qui est responsable de la galerie, puis elle a vraiment joué un rôle de... Elle accompagne souvent les artistes. Oui, elle m'a vraiment aidé là-dedans. On a choisi les œuvres ensemble, ensuite on a monté l'exposition ensemble, puis c'est elle qui est arrivée avec l'idée, mais je l'avais déjà presque fait. Puis en fait, les toiles qui sont peintes jusqu'au rebord, je les vois comme des objets aussi, donc ça allait avec le titre de l'idée d'objet, comme si l'étoile, c'est pas juste une acrylique sur toile, c'est vraiment... un objet là, qui est présenté. Mm-hmm. Donc, la toile est comme présentée presque comme les sculptures, finalement. Ouais, oh ouais. Donc, il y a un rapport aussi un peu égalitaire aussi. Oui, puis ça crée un niveau à l'exposition où tout est presque à la même hauteur. Mais merci beaucoup, Olivier Moisan-Dufour, d'être venu nous parler de cette très belle exposition, Idées d'objets. C'est présenté à la Galerie des Arts Visuels jusqu'au 20 octobre. Parfait, merci. Et on va écouter La main de Dieu, donc la pièce titre du EP de Werewolves. Merci. We'll be right back. Bonsoir, Myriam Leland. Bonsoir, Gentilienne France. Alors, t'es allée voir l'exposition « La vie sur le précambrien » de René Derouin à la Galerie Michel Guimond. Exact. Une exposition de collages, de gravures, de dessins, d'aquarelles, de petits trous dans le papier oui, aussi. Oui, t'as remarqué toi aussi. Comment t'as trouvé ça? J'ai tellement aimé ça. Les expositions chez Michel Guimond me font toujours cet effet-là de... T'aimes la sensibilité, Michel Guimond? Oui, ben en fait, c'est que je vais toujours... Sans attente. Ouais. C'est des artistes que je connais de nom, mais sans connaître en profondeur. Mm-hmm. Ça m'avait fait la même chose avec les automatistes en trois temps l'année dernière. Ah oui, je me souviens. T'étais revenue séduite. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis ça m'avait fait connaître un peu mieux ces artistes-là. Puis ça m'a fait exactement la même chose avec René Derouin. J'y allais sans trop savoir. J'aimais bien l'esthétique. Ouais. Il y en a plusieurs dans la collection nationale, au Musée national des Beaux-Arts. Il y en a une bonne centaine. C'est un artiste avec une bonne carrière, très prolifique et avec une très belle reconnaissance. Exactement. Mais en même temps, un peu décalé aussi. Là, oui, c'est ça. C'est, on sent qu'il reste de son temps ouais. aussi. Ouais. Puis j'ai été complètement charmée. T'as trouvé le mot exactement. En plus, j'étais seule. Il y avait le fameux un chien de la galerie Michel Guimond que je flattais tout en regardant ces belles illustrations-là, ces belles images-là. En fait. Oui, ben tu parles d'illustrations parce que y a des illustrations qui sont oui. intégrées à même les œuvres. C'est des illustrations qui sont tirées du fameux ouvrage La Flore Laurentienne de Marie-Victorin. Donc, il y a un ouvrage majeur qui est paru exact. En 1935 qui a été un point tournant dans la connaissance botanique au Québec. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, je suis petite tranche de vie, je suis allée au cégep Marie-Victorin à Montréal. Oh, donc, oui. donc, c'est un petit pan d'histoire que je connais bien. Puis, c'est ça, on remarque, comme tu le dis, l'esthétique illustration gravure. En fait, c'est ce qu'ils appellent de la linogravure. Donc, c'est une gravure qui est oui. imprimée sur linoléum. Oui. Ça donne l'impression presque qu'il a fait du collage avec du papier de soie. Oui. Il y a des trous dans le papier, ça fait comme vitrail un peu. Moi, ce que j'ai adoré, en fait, de cette esthétique-là, puis c'est constant dans tout le travail depuis une cinquantaine d'années là, de René Derouin, c'est le métissage oui. des styles, des identités René Derouin a vraiment développé une esthétique où il essaie d'explorer une identité transamérique. Oui, c'est ça, puis au départ, en fait, quand je lisais sans avoir avoir vu, on est dans une période où on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Oui. Donc, c'est sûr que ça nous vient en tête quand on entend métissage, des identités, tout ça. Mais je trouve, puis c'est une opinion personnelle, mais je trouve que ça a été fait avec brio, avec respect. Les citations, justement, de culture sont présentes. On sait d'où est-ce qu'ils tirent ces images-là. Il y a même quelque chose d'africain dans son esthétique. On voit vraiment son influence mexicaine. Oui. D'ailleurs, mais moi, j'ai retrouvé aussi des motifs qui vont rappeler l'esthétique des peuples autochtones de la côte exact. Ouest américaine, ouais, canadienne. L'esthétique Salish, oui. par exemple. Mm-hmm. Oui, en effet. Puis même, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui rappelait les enluminures médiévales. Oui. Il y a vraiment un métissage de période et de style. Puis comme je dis, je trouve que c'est fait à merveille. Puis ça crée quelque chose. Pour moi, en fait, ça évoquait vraiment quelque chose de presque religieux. En fait, de cosmogonique, une genre de tentative d'essayer d'expliquer le monde comme il est. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on retrouve le motif du globe, du rond, oui. Dans plusieurs œuvres de cette exposition-là, La vie sur le précambrien de René Derouin. Et justement, ça vient donner une espèce de vision un peu exactement de cosmogonique. Exact, oui. De construire un univers qui est près de l'astrologie, ouais. mais qui est aussi très, très près du botanique parce que c'est le motif dominant. Là. Ça faisait vraiment penser à la cosmogonie des peuples autochtones. Ben, je connais surtout de l'Est, mais l'œuvre qui est au centre, qui a l'air... Au sol? Au sol, oui. Exactement. Au centre, au sol, pardon. me fait beaucoup penser à l'œuvre qui se retrouve au musée Huron-Wendat. Quand on entre dans la partie musée, c'est une œuvre qui tapisse le sol, les murs et le plafond et qui raconte justement l'histoire de la tortue mère avec la jeune fille qui tombe du ciel, qui va dans l'eau et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est que ça me rappelait ça. On ne sait pas trop de quel côté il faut la regarder parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un cycle, que peu importe du point de vue duquel on la regarde, ça nous donne une pièce de l'histoire, l'esthétique aussi avec le qui est oui, très... c'est la gravure sur bois, là, c'est vraiment... ça fait très naturel. On voit le grain, la palette de couleurs aussi, on est dans les teintes de terre, les teints verts aussi, qui sont très dominants dans l'ensemble du corpus qui ça est présenté. Ça fait très teinture naturelle comme teinte, là, qui sont utilisées. Donc, oui, exactement, encore une fois, cosmogonie, c'était le mot qui me venait à l'esprit en voyant ça. Puis les oiseaux aussi, c'est un motif qui revient dans toute l'œuvre de René de Rouen. Et puis, je parlais avec Sophie, qui travaillait à la galerie quand je suis passée voir l'exposition cet après-midi. Elle disait que dans sa dernière exposition, les oiseaux étaient plus... descendait plus. Ah, et puis là, dans celle-ci, il y a quelque chose de plus dans l'ascension. Il y a quelque chose d'assez joyeux dans cette exposition-là. C'est une célébration de la nature. C'est très léger. Oui, célébration de la nature, tout à fait. Ben, d'ailleurs, c'est vraiment la flore laurentienne qui l'a inspirée, entre autres choses. On sait qu'il habite Val-d'Avine. Oui, c'est ça, toute la nature des Laurentides. Oui, exactement. Bon, on le voit beaucoup, mais il y a comme cette vénération religieuse là, justement, de la nature, mais sans que ce soit malsain, c'est le mot qui me vient en tête, c'est vraiment une observation un peu candide de la nature, des belles choses qu'on y voit, puis les représentations très centrales, avec le bas de l'image, très cadré, le bas de l'image qui est plus chargé, le haut qui est un peu plus justement aérien. Il y a une construction qui est là, il y a beaucoup de détails, mais on voit qu'il y a vraiment la manière que l'image est construite, c'est tout à fait pensé là. Donc on passe voir ça à la galerie Michel Guimond, c'est jusqu'au 13 octobre 2019. Parfait. La vie sur le précambrien de René de Rouen. Merci beaucoup Myriam, et nous on part en pause publicitaire et au retour c'est Eve Cadieux qui vient nous parler de son exposition. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche. Soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Gabriel de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Orange amère de Anne Patchett chez Actes Sud. Par son style évocateur, subtil et un brin méta, l'écrivaine signe ici l'un de mes gros coups de cœur de l'année. Orange amère m'a fait perdre quelques nuits de sommeil et je parie qu'il en sera de même pour vous. Et Joël de la succursale de Loretteville vous propose « Pas pressé » de Lily Pinsonneau aux éditions Québec-Amérique. La plume, aussi sensible que frappante de l'autrice, nous amène à ne vouloir que le meilleur pour sa protagoniste. « Pas pressé » est un livre qui réchauffe le cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante à visiter dans le Vieux-Québec, à Saint-Roch et à Loretteville. Alimentex, une épicerie certifiée biologique avec des produits de santé naturelle située à Québec, au cœur de Limoilou. Notre boutique offre un vaste choix de produits naturels santé, formules et suppléments, aliments biologiques, produits de beauté et tisanes. À tous les premiers mercredis du mois, nous vous offrons 10% sur les produits à prix régulier en magasin. Pour les petits bobos, un naturopathe est sur place pour vous conseiller. Pour les problèmes de santé non résolus, avez-vous essayé Alimentex? Situé au cœur de Limoilou sur la 1ère avenue, au coin de la 2e rue. Alimentex.ca. Quand j'étais petite puis que j'étais malade puis que je devais prendre des médicaments pour me soigner, ma mère se penchait doucement vers moi puis me demandait « Toi, ma chanceuse, fraise ou chocolat? » Je répondais toujours « chocolat ». À cette heure, quand je suis malade, j'ai toujours une rage incontrôlable de chocolat. Premier acte présente « Fièvre ». un spectacle alliant musique en direct, théâtre et poésie. À voir du 24 septembre au 12 octobre à Premier Acte. Pour plus d'informations ou pour l'achat de billets, consultez premieracte.ca. Une collaboration de la Caisse Desjardins de Québec et Vénus à vélo. Le 31 octobre prochain, à compter de 20h, viens festoyer à la Korrigan à l'occasion de notre traditionnel party d'Halloween. Au programme, des coupes de citrouille et concours de costumes, plusieurs spéciaux et prix à gagner, le tout dans un décor renversant. À compter de 22h, le groupe The Black Coffees enflammera notre piste de danse. L'Halloween, c'est à la Korrigan que ça se passe. 380 rue Dorchester, quartier Saint-Roch. Alors, de retour à l'aérospatiale et j'ai avec moi en studio Eve Cadieux. Bonsoir. Bonsoir. Eve Cadieux, tu présentes actuellement une exposition qui se nomme « Empreintes et dérivés » à la Galerie A. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là d'abord, « Empreintes et dérivés » Bien, en fait, l'empreinte, c'est souvent... Pour moi, la photographie, c'est aussi une empreinte. Hein? C'est une empreinte de lumière. C'est une empreinte de quelque chose qu'on peut pas conserver nécessairement autrement que par l'image. Et le dérivé, c'est un peu peut-être la part, l'ajout sur certaines images. Okay. C'est aussi une référence aux produits dérivés qu'on retrouve beaucoup dans les marchés aux puces, oui. Notamment des produits dérivés d'œuvres d'art. Et c'est une chose qui m'intéresse, hein, les références à l'histoire de l'art dans les images. Oui, parce que là, je t'ai lancé tout de suite sur le titre, mais ton exposition, c'est un ensemble de vues, d'étals, de marchés aux puces. Ça fait longtemps que tu photographies les marchés aux puces. Ça fait combien de temps? Bien, en fait, l'objet, je le photographie depuis 20 ans. Oui. La présence de l'objet dans l'image, la nature morte, tout à fait. C'est vraiment le sujet de prédilection. Mm-hmm. Les marchés aux puces, en 2007-2009, j'ai fait des prises de vue parce qu'à l'époque, je rencontrais des collectionneurs de toutes sortes d'objets. Oui. Et puis, c'était une démarche là, que je trouvais super intéressante, mais qui était un peu plus documentaire. Et j'ai commencé aussi, en parallèle, à faire des photographies dans les marchés aux puces. Les images étaient un peu différentes. Par contre, souvent, on voyait des gens qui passaient, des gens qu'on reconnaissait pas l'identité. Puis pendant quelques années, j'ai arrêté. Et il y a 4 ans, je suis allée au marché aux puces à Séville, où là, vraiment, oh wow. Merveilleux. J'ai sorti mon appareil, j'ai fait des centaines d'images. Et ça m'a vraiment donné le goût là, de retourner dans ces lieux-là que je trouve fascinants et d'avoir une approche un peu différente aussi. Donc, de vraiment penser nature morte, penser aux objets, ne jamais toucher aux objets, mm-hmm. mais faire des prises de vue dans ces endroits-là. Et donc là, c'est des étals de marché aux puces. Donc, mm-hmm. on voit les objets qui sont sur des tables, qui sont déposés au sol sur des bâches. Et tu joues beaucoup avec les objets qui sont en marge de l'image, qui finissent par... on est dans une espèce de all-over là, dans ces images-là, oui, au final. Oui, oui, effectivement. Donc, comme une espèce de continuité, l'accumulation continue autour de l'image. Oui, puis peut-être cet effet-là est produit aussi par le fait du recadrage. Ouais. Ce que je fais très, très rarement, mais là, je suis allée recadrer mes images rectangulaires. Oui, donc c'est du format carré. Mais oui. Ça faisait partie de mes questions, mais mm-hmm. tu n'as pas fait tes prises de vue en format non. carré. Non, je les ai fait de façon rectangulaire. C'est ce que je fais depuis 4 ans quand je visite les marchés aux puces. Mm-hmm. Et cette série-là, j'ai eu vraiment envie d'intervenir, de m'attribuer encore plus, hein, de m'approprier encore plus les images, les objets aussi. Donc, je suis allée chercher des détails dans les images. J'ai recadré les images. Pour ensuite intervenir manuellement, une fois l'image imprimée sur papier chiffon, intervenir. Donc, il y a plusieurs strates, plusieurs choix. Donc, le travail d'édition, la sélection des images, mm-hmm. Le recadrage. Et là, tu parles d'intervention. Il y a des interventions très, très subtiles quand même oui, sur les images, en noir et blanc. Est-ce que c'est la première fois que tu interviens directement sur la photographie dans ton travail? Sur l'image, oui, c'est la première fois. Okay. J'ai déjà intervenu vraiment en marge, en pourtour, mm-hmm. Sur les marges blanches, mais vraiment d'intervenir sur l'image, sur les couleurs, de provoquer des interactions entre ces petites interventions-là et l'image elle-même et les objets qui sont dans les images. C'est la première fois, oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené, là? Je pense que j'avais le goût de manipuler, tu sais, les images, mm-hmm. un peu comme quand je le faisais en chambre noire il y a déjà plusieurs années, où je travaillais avec la lumière, je brûlais certaines parties de l'image, solarisation, mm-hmm. effectivement. Mm-hmm. Donc, j'ai eu le goût de travailler manuellement sur l'image. J'avais ce besoin-là. Donc, de recadrer, c'est une première étape. Ouais. Ensuite, après l'impression d'intervenir. Effectivement, de façon assez subtile, par contre. Là, oui, c'est des tout petits détails. Donc, nous, en tant que regardeurs, que visiteurs, on les voit pas tout de suite. Puis, à un moment donné, on est surpris. Puis après, on les cherche. Donc, il y a un petit côté, là, où est Charlie aussi, en quelque sorte. Parce que, bon, c'est des images qui sont très, très chargées. Et puis, on cherche les petits détails. Est-ce que tu peux nous parler de d'où est-ce que tu es allé chercher cette imagerie-là, parce que c'est des imageries très particulières. Ça va chercher dans le vintage, les années 60, 70, mm-hmm, 80. Mm-hmm. D'où ça vient, ces images-là? Bien, il y a différents types d'images. Oui. D'abord, il y a des dessins. Il y a des petits dessins que j'ai faits à la mine graphite, à l'encre de Chine. Il y a aussi des estampes de mots, donc des lettres. J'ai toutes sortes de petits ensembles là, d'étampes, tout à fait. Mm-hmm. Il y a des étampes que j'ai trouvées, effectivement, où les images sont assez vintage. Et il y a aussi des décalques, donc des décalques 1960, 1980 aussi, que j'avais déjà, que j'ai trouvé sur Internet. Donc, les fameux lettres à 7 qu'on utilisait beaucoup en graphisme. Et c'est sûr que les décalques 1960, on tombe dans une image qui peut être assez surprenante, le rôle de la femme, de l'homme. C'est assez stéréotypé. Et c'est ça fait quelques temps là, que j'avais le goût de travailler avec ces images-là, avec ces décalques. Avec ces trouvailles. Oui. Puis le décalque a fait partie de mon enfance aussi. Quand j'étais enfant, le décalque était partout dans les boîtes de céréales. On trouvait ça. Hein? Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et comment t'as procédé donc pour faire les associations entre les images, les photographies, où les placer? Est-ce qu'il y a comme ça commence par l'observation, par la disposition de manière aléatoire? Comment t'as procédé? C'est un peu des deux, en fait. Ouais. À la base, déjà en recadrant, j'avais des idées. Donc, okay. Je recadrais cette image-là pour l'intérêt, pour les lignes de force, pour mm-hmm. la composition qui était intéressante. Mais j'avais quelques idées déjà d'insertion. Et c'est sûr que là, quand les images sont arrivées imprimées à l'atelier, il y a eu une espèce de d'approche plus aléatoire. Ce que je me permets pas tout le temps, là, mais là, vraiment, j'y suis allée, puis je regardais tout ce que j'avais comme matériel, puis il y a des interventions, c'est des dialogues hein, entre ces petites oui. interventions-là et l'image, les objets qui sont dans les images. Donc, ça s'est fait, oui, il y a un côté préparé, mais il y a une partie aussi spontanée dans le travail. Et donc, tes personnages deviennent comme, en fait, l'étal du supermarché devient comme quasiment un espace domestique, là. Ou un paysage? Oui, peut-être, effectivement, vu le cadrage très serré aussi. On n'a pas beaucoup de références. Hein. On ne sait pas où on est. Il n'y a pas de trouée. À part une image qui a une petite trouée, on sent un plan d'eau. Mais effectivement, il y a quelque chose de domestique aussi, peut-être dans les objets qui sont choisis. Oui, mm-hmm. aussi. Bon, tu dis, on ne sait pas où on est. Moi, j'aimerais ça savoir où on est. Donc, c'est une collection de photographies de différents marchés aux puces dans plusieurs villes. On devine que c'est en Europe, il n'y en a pas au Québec. Il n'y en a pas au Québec. J'en ai fait des prises de vue, mais il y a quelques années, là, quand j'étais dans l'autre série. Mm-hmm. Et en fait, les marchés aux puces m'intéressent au Québec, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'objets neufs. Parfois, c'est vraiment de basse qualité. Puis, en fait, de photographier les marchés aux puces, c'est aussi une réflexion sur un mode de consommation qui devient de plus en plus essentiel. Donc, acheter usagé, l'intérêt aussi de la passation de l'objet qui a déjà une histoire, qui va avoir une autre histoire. Donc, c'est ça. Et c'est dans l'installation. Souvent, au Québec, c'est des tables. C'est plus comme systématique. Puis, ben, il y en a moins qui sont à l'extérieur aussi. Il en reste encore quand même des marchés aux puces à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lumière est moins intéressante aussi. Donc, c'est une bonne raison de voyager. Ben oui, il faut toujours trouver de bonnes raisons pour voyager. Oui. Donc, celle d'aller visiter les marchés aux puces. Donc, on devine que c'est en Europe. Oui. Dans quelle ville d'Europe t'es allée glaner ces images-là? Il y en a plusieurs. Je vais probablement en oublier, mais il y a en France. Mm-hmm. Je peux nommer les villes aussi, Montpellier, Bordeaux, Bruxelles en Belgique, Amsterdam, Copenhague, Stockholm. Est-ce que j'en oublie? Bon, on parlait de CV également au début. Évidemment. Oui, oui. Et j'imagine que tu parles de la tradition de marcher aux puces en Europe, qui est, bon, évidemment, le patrimoine des objets est plus ancien là-bas. Oui. C'est des grands marchés aux puces? Généralement, c'est assez grand, oui. Cette quête d'image-là, là, j'imagine que c'est comme ça te prend une journée faire le tour. Ah oui, tout à fait. Puis je fais le tour une fois, plusieurs fois, effectivement, parce que je ne touche pas aux objets. Mm-hmm. Donc, je fais une première tournée, je commence les prises de vue et je retourne, je fais une autre tournée justement pour certains points de vue ont changé, là. Certains objets ont été déplacés par les clients éventuels. Donc oui, je reste quand même plusieurs heures dans un marché aux puces. Et tu parlais, FKZU, de ton choix, parce que c'est pas la première fois que tu traites les marchés aux puces en photographie, mais cette fois-ci, l'être humain est complètement évacué. Pourquoi tu as fait ce choix-là? En fait, l'être humain, pour moi, il est toujours quand même dans les images. Oui, oui, oui. Ouais. Mais il est évacué ouais. de la présence littérale. Oui, mais ouais. La plupart de mes images, justement, peut-être à part les portraits de collectionneurs, ouais. La plupart du temps, c'est les objets, c'est les lieux. Hein? Mm-hmm. C'est les lieux qui sont porteurs de mémoire aussi. Donc, je pense que c'est par intérêt, mais pour moi, c'est ça, j'associe presque toujours les objets aux gens. Et même dans les marchés aux puces, je m'intéresse, j'écoute ce qui se passe, j'écoute les conversations entre les gens. J'aimerais ça savoir à qui a appartenu tous ces objets-là. Donc, pour moi, l'objet est vraiment comme un lien avec l'humain, mais sans qu'il soit nécessairement dans l'image. Bien, on va prendre une petite pause musicale et au retour, on va continuer cette belle conversation avec Eve Cadieu à propos de Empreintes et dérivés à la Galerie A. C'était le feu du ciel de We Are Wolves, donc toujours une sélection de Simon Roy pour l'aérospatiale et je suis encore et toujours avec Eve Cadieu et on parlait avant cette pièce musicale de cette très belle exposition Empreintes et dérivés qui est présentée à la Galerie A, une exposition où on a des photographies, des vues de marché aux puces et c'est quelque chose, Eve, que ben, l'objet ancien, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ta pratique artistique. Oui, tout à fait. Dans les dernières années, tu as eu, je me souviens plus du titre de l'expo, mais tu as eu une espèce d'expo, toutes ces choses, donc une espèce d'expo un peu rétrospective sur ta carrière. Oui, qui faisait un bilan. En fait, je pense que j'aime mieux parler d'expo bilan rétrospectif. Oui, mais on se sent vieille si on parle de rétrospective. Une expo bilan, effectivement, oui. Donc, qui vient regrouper différentes propositions que tu as faites dans le passé. Et puis, cette exposition-là, empreinte et dérivée, est-ce que c'est comme de passer à une autre étape? J'ai l'impression que oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est une espèce de résultat de tout ça. T'sais, c'est un bel exercice quand même de regarder ce qu'on fait depuis 20 ans, ouais. puis de faire des choix aussi, de voir ce qui est prédominant, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché aussi. Mm-hmm. Donc oui, je pense que cette petite nouvelle série-là, Empreintes et dérivées, c'est un besoin d'aller vers autre chose, mais en conservant quand même les acquis, en conservant cette même fascination-là pour l'objet, pour les marchés aux puces, pour les objets passeurs de mémoire. Donc oui, le fait d'intervenir de cette façon-là, de recadrer ce que je fais, c'est ça, très rarement, d'intervenir. Je crois que c'est quand même en lien avec ouais. les réflexions de l'expo bilan. Donc, tu sens que comme dans le futur, ça va, il va y avoir peut-être plus d'interventions. Peut-être. Sur oui. la photographie. En tout cas, j'ai adoré le faire, puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment une avenue nouvelle dans mon travail. Et oui, je crois que je vais poursuivre. Et on parlait aussi du travail d'édition, d'avoir comme un ensemble de photographies, de les choisir, de les recadrer. Est-ce que tu sens aussi l'envie d'aller revisiter des corpus que tu as déjà travaillé auparavant? Bien, peut-être, mais ça, je l'ai déjà fait. Et même pour l'expo blanc, ouais. il y a bien des images que j'ai réimprimées ouais. un peu différemment aussi, mm-hmm. avec des nouvelles technologies. Bon, peut-être, mais ça, j'ai tendance à le faire. Hein. Moi, j'ai pas peur de refouiller dans ouais. mes anciennes images. Fait que peut-être, mais reste que, comme empreinte et dérivée, c'est quand même des images, des prises de vue qui ont jamais été présentées, qui ont été faites dans les 4 dernières années. Mm-hmm. Donc, j'aime aussi faire de la prise de vue. J'ai besoin de poursuivre, mais peut-être, je dis pas non, peut-être que je peux aller dans des anciens corpus, mais j'ai l'impression de l'avoir un peu fait quand même avec l'expo bilan. Et là, on a parlé bon, des images principales qui sont présentées dans Empreintes et dérivées. Donc, c'est des photographies, il y a des interventions très, très subtiles dessus. Mais à l'entrée, il y a deux petites œuvres qui sont très, très différentes des autres. Oui. Donc, on a une photographie derrière, mais l'intervention est dominante. C'est un blanc, on dirait de la peinture. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ces deux petites œuvres-là à l'entrée de la galerie? Oui, mais pour moi, c'est deux œuvres qui sont vraiment expérimentale et on parlait justement le début de quelque chose de oui, nouveau. Oui, c'est ça. Est-ce que ça dessine quelque chose? Oui, je pense. On n'est jamais sûr, là, mais oui, j'ai eu du plaisir à le faire, mais ces images-là, il y a effectivement plus d'interventions. En même temps, cette intervention-là, c'est des plages blanches qui entourent mm-hmm. un objet, qui isolent un objet. Oui. Dans la vue de marché aux puces. Parce que souvent, c'est ça, quand je fais une prise de vue, c'est un objet en particulier qui m'intéresse et quand je regarde après sur mon écran, ben, j'y couvre tous les autres objets. Donc, j'ai décidé encore une fois de recadrer et en appliquant à la fois une première couche d'acrylique, ensuite de l'huile et ensuite de l'encaustique, donc de la cire, de la peinture à la cire. Et donc, de juste laisser transparaître un objet. Je pense que ça crée un effet un peu fantomatique parce qu'on voit oui. ce qui se passe un peu oui. sous la couche blanche mm-hmm. et cet objet-là se retrouve seul, isolé. Et pourtant, il vient de marcher aux puces où il est pris dans une accumulation où il y a beaucoup d'objets. Là, il y en a un peu libéré. Là. Oui, oui. Et tu parles d'huile, d'acrylique, d'encaustique. Pourquoi cette espèce de superposition de différents médiums? Ben, c'est aussi technique, en fait, parce qu'on travaille et c'est des impressions jet d'encre. Donc, mm-hmm. je ne voulais pas appliquer tout de suite une matière avec de l'huile, une matière qui pourrait altérer l'image. Donc, j'ai fait vraiment une couche d'acrylique pour protéger. Si on veut, ça vient sceller les encres. Puis ensuite, l'huile pour amener un petit peu plus de blancheur. Et ensuite, la couche de cire qui est assez translucide, donc une couche d'encaustique. Donc, Des petits détails techniques. Et F.K. Adieu, donc c'est ta première exposition, je le disais en début d'entrevue, à la Galerie A. C'est une toute nouvelle galerie dans l'univers des arts visuels à Québec. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la Galerie A? Je suis curieuse. Ben, il y a plusieurs facteurs. Oui. C'est sûr que je m'intéresse quand même à Anne Damour et la fondatrice. Oui. C'est une jeune femme qui a plein d'ambition et je me suis dit, ben, ça peut être intéressant de travailler avec quelqu'un qui commence aussi, qui débute puis qui a le goût vraiment de partir une galerie, une autre galerie à Québec. Oui, cette espèce de fougue du début aussi. Oui, oui. Ouais. Donc, on a discuté beaucoup et mm-hmm. on s'est entendu. Et au départ, j'avais même pas une exposition de prévue dans l'année. Et quand j'ai vu l'espace que la galerie A occupe actuellement, je me suis dit, oh, il me semble que c'est un bel écrin. Il y a quelque chose qui est né de là. On est dans le vieux port, il y a les poutres apparentes, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux dans cet espace-là. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu déjà une petite étincelle. Là. Puis quelques fins de semaine plus tard, je me suis dit, OK, je vais travailler en atelier, il y a peut-être des choses qui vont naître. Je trouvais que c'est un espace aussi qui est relativement petit, ou qu'on peut bien habiter. Souvent, je travaille du plus grand format. Là, je me suis permis quand même de pratiquer mes formats, moyen et petit format. Donc, c'est l'espace de la galerie qui t'a comme donné un petit coup de pouce pour ta production? Oui, bien, d'une part, c'est ça, de m'entendre avec Anne et de cette première collaboration-là. Et oui, quand j'ai vu l'espace, je me suis dit, c'est possible. Je savais que j'étais hyper occupée. J'aurais pas pu imaginer, en quelques mois, créer une nouvelle série comme ça. Mais l'espace a vraiment conditionné quelque chose, a stimulé là, les premières idées. Ah, mais c'est fabuleux. On a hâte de voir aussi FKADU, tout ce qui va sortir de ce qui se dessine pour toi avec cette espèce de nouveau cycle. C'est de ça qu'on a parlé un peu, nouveau cycle dans ta pratique. Ça fait quand même longtemps, ça fait une quinzaine d'années, plus qu'une quinzaine d'années que tu as une pratique artistique. Ça fait 20 ans. 20 ans? Oui. Fait qu'un nouveau cycle qui commence avec une nouvelle galerie. Mais je te remercie beaucoup d'être venue en studio nous parler Merci de cette très belle exposition. Empreintes et dérivées, c'est présenté jusqu'au 19 octobre. Et 19 octobre, présentation aussi, je fais une petite conférence en galerie. Ah oui, super. Oui, à 16h le 19. Donc, c'est un samedi? Oui, c'est un samedi. Un samedi. Donc, samedi 19 octobre, 16h, c'est un rendez-vous. On va dans le Vieux-Port, c'est tout près de c'est la rue de la Barricade, à l'étage, donc tout près du Musée de la civilisation. Merci beaucoup, FKADU. Et nous, on va écouter une autre pièce du EP, La main de Dieu. C'était la pièce « Sous le soleil » de Werewolves qui est tirée de leur dernier EP, « La main de Dieu » qui est paru en août 2019, en août cette année. Donc, leur tout dernier matériel donc, de ce groupe montréalais qui a une activité depuis déjà près de 20 ans. Là, leur carrière a débuté au début des années 2000 et on est toujours à l'aérospatiale. Et c'est le moment de faire le tour de tout ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec. C'est le moment de l'agenda de la semaine. Et ce soir, ça vient de débuter là, il y a 20 minutes, à partir de 18h, c'est une soirée de performance qui est présentée au lieu. On a vraiment des grosses pointures, comme on peut dire. Helge Meyer, Alejandra Herrera Silva, Jamie McMurray, Seiji Shimoda. Donc, c'est présenté ce soir. C'est présenté en partenariat avec Art Nomade et Viva Art Action et Folliculture. Donc, les trois organismes, il y a des festivals et organismes. Les trois se sont mis ensemble pour présenter cette très, très intrigante soirée de performance ce soir. Il y a également demain le musée ambulant. On a reçu les filles du musée ambulant quelquefois déjà à l'émission. Le musée ambulant, c'est un musée qui se promène dans les écoles primaires. Normalement, c'est seulement pour les enfants de l'école, mais là, c'est ouvert au grand public. Donc, ils vont être à Val-Bélair, à l'école du Val-Joly, demain à 16h. On va pouvoir aller visiter ce musée ambulant. À la Maison de la littérature également, vendredi, il va y avoir l'événement Intelligence artificielle, impact et potentiel pour les artistes. Donc, une réflexion qui va avoir lieu toute la journée avec plusieurs invités. C'est à partir de 9h, vendredi, à la Maison de la littérature. Vendredi va également débuter une exposition à la bibliothèque Aliette Marchand de la jeune artiste de Québec, Andréane Jacques. C'est une exposition qui s'appelle « Le systématique ». Elle va présenter, c'est une artiste de l'estampe, elle va présenter donc un corpus où elle travaille la répétition, le systématisme. Également, à partir de samedi, à la bibliothèque Paul-Aimé Paiement, une exposition de Rosalie Gamache va débuter, donc une jeune artiste de Québec également. On a reçu la semaine dernière Jean-Pierre Morin pour son exposition Cône et Couronne. Eh bien, il va y avoir une rencontre à la Galerie 3 mardi le 8 octobre à partir de 19h30. Pour en savoir un peu plus, pour rencontrer l'artiste. Donc, c'est une rencontre qui est organisée par le Cercle des collectionneurs de Québec. À partir de mardi prochain, il va également débuter l'exposition « Pétition contre la mort » de la fameuse Orlan. Et c'est au lieu. Et on va pouvoir rencontrer cette artiste française de renommée internationale. Et c'est à partir de mercredi prochain que l'exposition « COSIC, à vous de jouer » est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. On a très, très hâte de voir ça. COSIC, qui est un duo d'artistes là, qui produit ici au Québec là, depuis plusieurs années. Donc, c'est une espèce d'exposition rétrospective. On va pouvoir en parler à l'émission. Moi, j'ai hâte de découvrir cette rétrospective. C'est maintenant que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion. On met ça sur notre page web à l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram. J'aimerais remercier nos invités Olivier Moisan Dufour et F. Cadieux. Merci beaucoup aussi à Myriam Leland, notre chroniqueuse de cette semaine. Merci à Jacques Gignac, le Georges Braque de la mise en onde. Merci à Simon pour les ambiances musicales québécoises cette fois. Et c'est maintenant le temps de parler avec Pierre Blais. CKRL. Communication. Culture. Bonsoir, Pierre Blais. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe à Situation critique? Et ce soir, on se transporte à Sept-Îles. Ben presque, oui, à Sept-Îles, puis autour de Sept-Îles, avec les communautés autochtones, un film qui a fait parler de lui, notamment au Festival de cinéma de la Ville de Québec, et qui arrive en salle, QSIPAN, à partir d'un roman de Naomi Fontaine, l'histoire de deux adolescents, 17-18 ans, là. Oui. Mais qui vont avoir deux destinées complètement différentes. Deux amis d'enfance sur une réserve, mais qui se destinent pas au même cheminement, mais alors pas pantoute. Et tu l'as vu, le film? Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il est aussi bon qu'on le dit? C'est un film qui est encensé par la critique, je le vois partout. Oui, tu sais, qu'est-ce qu'on dit avec une question? T'as juste à écouter l'émission. Ben, moi, c'est ce que je fais. Mais je sors d'ici, puis j'écoute l'émission. Sérieusement, je pense que les belles critiques sont tout à fait méritées. Ben, merci beaucoup, Pierre Blais. Et c'est maintenant que se termine l'aérospatiale. Et c'est maintenant que commence Situation critique. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Cinévoyage présente Turquie, Joker et Kwesi Pan. Et au Clap Loretteville, Cinévoyage présente Turquie, Joker, Kwesi Pan et Rambo, la dernière mission. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. Aujourd'hui à Situation critique, le nouveau film de Myriam Véro, Kwesi Pan, les documentaires Alexandre le fou et Amoureuse, et les dernières années de vie de Judy Garland dans une biographie intitulée tout simplement Judy.